comme l'impact d'une balle, un cri de ghetto pleure. Le bar retient plus le crack, maintenant c'est ça ou bien la drogue. Wesh, les fumes dans le mal t'entraînent en premier panique. Si je kiffe, joue les vrais, mais en vrai ce ne sont que des tates, des lèches, des chelles, en plus des traites. Ils disent des choses que l'on dit, ils mentent et le vrai revendique. Le public admire, mais les vrais savent que c'est faux. J'ouvre là-bas, c'est chaud mon tierka, tu parles bête, Gerba, Gadjo, Lambo, que des cacros. Les rappeurs font des films, acteurs, et les vrais déshonorent. Ouvre les yeux, sois toi-même pour que le respect vienne. J'dis l'eau, Malkin ne porte pas de calcani. Et puis j'suis toujours ici. Respect au maquis. Le rap une mascarade, notre vie est réelle. Réalité, vérité, NAP. Toujours jusqu'à la Rome, représente les quartiers. Maintenant je sais ce que je dis devant mon bloc chaque jour. Avant j'étais ancien, maintenant de l'ancienne je suis. Je vis ce que je dis devant mon bloc chaque jour. Avant j'étais ancien, maintenant de l'ancienne je suis. Je vis ce que je dis devant mon bloc chaque jour. Avant j'étais ancien, maintenant de l'ancienne je suis. Je vis ce que je dis devant mon bloc chaque jour. Avant j'étais ancien, maintenant de l'ancienne je suis. Autour de moi toujours du béton, des draps sur les balcons. Se débrouille comme on peut, refrais, faut savoir vivre. Les années passent, les jeunes grandissent, fument et boivent. Ils bouillavent tous, ils tapent des shoots dans les caves. Par rapport aux petits frères, mon enfance était meilleure. Maintenant des jeunes de 13 entraînent, rigolent avec des mecs de 30 ans. C'est bien Pelec, mais tu vois, y'a plus de respect. Un petit tchatch avec un grand ludique. Demandant, il aurait même pas osé, même pas pensé. En 98, tout a changé. La vie des jeunes au quotidien est devenue un journal. Fait divers banal, rubrique, j'ai fait un carnage. Une routine pour les jeunes est devenue la prison, font tout et n'importe quoi pour qu'on les traite pas de bouffons. Les filles sont pareilles, aujourd'hui elles jouent les femmes. Les choses ont bien changé maintenant et quand j'avais leur âge. Je vis ce que je dis devant mon bloc chaque jour. Avant j'étais ancien, maintenant de l'ancienne je suis. Je vis ce que je dis devant mon bloc chaque jour. Avant j'étais ancien, maintenant de l'ancienne je suis. Je vis ce que je dis devant mon bloc chaque jour. Avant j'étais ancien, maintenant de l'ancienne je suis. Je vis ce que je dis devant mon bloc chaque jour. Avant j'étais ancien, maintenant de l'ancienne je suis. Mon avis réfléchi, nouvelle théorie. On vient tout droit de la rue, on maîtrise l'art de la survie. L'époque du shit, y'avait pas de cam, on crame et des sticks. Les meufs pas tirés, mais y'avait pas que la plastique. Le fond, la forme, le temps s'envole, refrain c'est classique. J'essaie de me battre, l'islam me maintient. Rapport de force, gars la vis corse, devenu féroce. À 12 ans, ils font leur premier poste. J'te donne les conseils que j'aurais voulu qu'on me donne avant. Prie Allah et obéis à tes parents. N'arrête jamais les études, ouvre les yeux, sois ambitieux. Le monde appartient à ceux qui veulent toucher les cieux. Des fois tu trouves le quartier est triste, y'a le ghetto pleure. Mais au fond c'est normal, la vie qu'on mène n'est qu'à l'heure, n'est qu'à l'heure. Yeah, le ghetto pleure, ghetto pleure. Yeah. Le ghetto pleure. Je vis ce que je dis devant mon bloc chaque jour. Avant j'étais ancien, maintenant de l'ancienne je suis. Je vis ce que je dis devant mon bloc chaque jour. Avant j'étais ancien, maintenant de l'ancienne je suis. Je vis ce que je dis devant mon bloc chaque jour. Avant j'étais ancien, maintenant de l'ancienne je suis. Je vis ce que je dis devant mon bloc chaque jour. Avant j'étais ancien, maintenant de l'ancienne je suis. Je suis.